lay bon lay bon bon ci benn classe la woon quoi. Classe bi nag ñuy laaj lan ñu waxee caayoo si français quoi. Léegi ku dekk ñuy naan pantalon bu fin culotte bu fin xam moo de la nilaar quoi jékki-jékki na monsieur ma intro rek mu ne ñu ne mu ne ko lu ñu waxee caayoo si français mu ne caayoo ñu ngi koy waxee français jupe fermée.